Comment? Qu'est-ce que c'est ce début? Et puis, bip, tout ce téléphone s'interroge sur le bénéfice que je fais, mes perfs interceptent les plus hauts scores. Fais chaler comme une piscine à autochlore. Marie, faites chaque ennemi mort. En mille et somme, tout le monde crie aux mis à mort. T'aimerais crier partout combien je touche par scène. Pourquoi elle marcelle toutes? Je suis né en Afrique noire, malien, je suis Bambara. J'ai le gris-gris, jette les cours, j'ai la lave, ma magie lave mon âme. Les marionnettes vaudou, Bounty, disent à tout va qu'ils sont pas comme nous. Ma fille vend les babtou. Magique les faits que me font tes streams, de la glace qui font de ton sein jusqu'à ton. Sans me remercier trop, M6 transforme en moi le super MC plus mortel qu'un cimetière. Rappelle-toi ce videur, m'avait dit fils, t'en remets ta veste. Tu rentreras si en août il neige. En allant vers le parking, il est sûr qui j'étais. Leurs yeux s'écartent hier, ils étaient comme si sortilèges. Ils sont comme si sortilèges. J'ai besoin de sortilèges. C'est un chef, mon mic, je suis le possesseur, chaussée Nike. Achète ton shit, puis mon CD, j'aurai ton âme. S'agit du premier rendez-vous, son bisou magique. Ta dernière déroute, dans l'or qui t'a cristallisé. Le flou rend les pauvres haineux, les fortunés peureux. Tous importunés par le choc des deux sphères. La façon dont mon flow fluide rend le ciel bleu. Tes vieux jeunes, tes yeux plus vieux, plus éblouis. J'ai le pouvoir des mots, pour voir ta meuf nue dans mon lit. Pour te faire rire de ta propre mort. Ou alors écoute mes rimes, qu'elles te dégoûtent. Et tu montes aux cieux, appelle-moi monsieur Fox ou monsieur Sortilège. Dédié le premier prix de sortilège à des pièces ou des billets. Dans le poids d'un seul, déconsidère le poids du cœur d'un pauvre dévie. Là où l'aspect et la parasévie. Puis à cette façon dont les gens disparaissent quand t'as besoin d'eux. Par magie, pas par légende. Car c'est les gens, les moins grillés qui sont les faux anges et t'étranglent avec leur auréole. Il me reste quelques rares amis. Tu sais les femmes, l'argent, la jalousie. Dur de rester amis. Nous avons le pouvoir contre les forces du mal et ses pièges. Question d'affection, nous détenons le sortilège. Ils sont comme ce sortilège. Nous marchons sortilège.